Pour la première fois en France, notre TER Lorraine. Oh ya ya ya ya ya, Jamaica. Oh ya ya, Jamaica sun, it's shining over you. How are you, Rastafari? Your Babylon Zion is just a feeling for you and me. Tout avait commencé, oh Zion. On était motivé, Rastafari. On avait choisi un sujet. Et c'est ce qu'on croyait. Babylon, nous touchions un domaine très pointu et tellement qu'il nous faisait mal au cul. Mais c'est tellement passionnant les menus. Si on nous l'avait pas dit, nous ne l'aurions pas cru. Mais j'ai vu de la lumière dans une réunion de télé. J'ai compris que les menus en anneaux, c'était beau. J'ai compris que le venir de l'homme, c'est que de Don't just believe in what you see, if j'ai what compris you get aussi que mon meilleur copain, just open the door and kiss the fire. Le trackball est un outil fantastique. C'est combiné à une main où s'il devient magique. Imaginez-vous balader sur l'écran et vous pouvez sélectionner un menu en même temps. Je voudrais être un curseur pour pouvoir sentir la chaleur de son pouvoir. J'aimerais caresser sa peau si douce. Rien n'égale à celle du trackball. Mais j'ai vu de la lumière dans une réunion de TER. J'ai compris que les menus en anneaux, c'était beau. J'ai compris que l'avenir de l'homme, c'était le trackball. Et j'ai compris aussi que mon meilleur copain s'appelait Benoît. Listen to the voice twister. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air. Il faudrait que j'ouvre la fenêtre, sister. Je crois que j'ai besoin de changer d'atmosphère. Je vais visiter ton propriétaire. J'ai compris que mon meilleur copain s'appelait Benoît.